声声声， bonjour, vous écoutez bien Radio Libertaire, c'est bien Bulle de Rêve, mais enregistré, c'est la première fois, promis, là, je reviendrai en direct rapidement, mais je voulais pas manquer cette occasion, puisque c'était le tour de Bulle de Rêve, de vous faire écouter la fameuse interview dont vous avez entendu la première partie de Beyoun Mohamed, le directeur artistique du Festival International du Cinéma d'Animation de Meknès, le FICAM, qui s'est tenu donc en avril-mai de cette année, comme tous les ans, et qui a fêté son 9e anniversaire et qui fêtera son 10e l'année prochaine avec une pléiade de gens très intéressants, aussi intéressants que les uns que les autres, Darren Walsh, David Sproxton, c'était l'Angleterre qui était mis à l'honneur cette année, mais aussi Benoît Chieu de Folle Image, enfin plein de gens absolument passionnants qu'on a pu découvrir, et donc l'intérêt c'était de faire parler, j'ai la chance de participer au FICAM et de faire parler Beyoud Mohamed qui est donc le directeur artistique un peu de cette expérience du FICAM. C'est le premier festival de cinéma d'animation internationale en Afrique. Il y en a maintenant d'autres qui se sont créés petit à petit, mais vraiment au niveau purement cinéma d'animation, là je parle, hein, il y a le FESPACO qui évidemment est sur le cinéma en général, et qui inclut des fois du cinéma d'animation, mais là c'était vraiment sur le cinéma d'animation, et l'idée bien sûr de voir aussi l'émergence en Afrique d'un d'un cinéma d'animation véritable, d'une véritable à la fois d'industrie qui peut fonctionner, puis évidemment d'artisans, d'artistes qui peuvent nous émerveiller au niveau de l'animation. J'espère vraiment qu'on va en avoir bientôt, tant, et ça vous l'entendrez dans la deuxième partie aussi, dans l'interview de Gabriel Jaquel qui a participé à un atelier, je vous en reparlerai, qui vous parlera un peu aussi de cette richesse culturelle qu'on connaît bien évidemment, mais qui peut évidemment facilement se transmettre au niveau du cinéma d'animation. Alors, donc aujourd'hui, Beyoun Mohamed, grande interview de 40 minutes, et Gabriel Jaquel, une interview d'une vingtaine de minutes, et puis je vais en profiter pour vous passer de la musique que je ne passe pas d'habitude, puisque j'ai des invités en direct, et je me dis, oh là là, c'est trop long, ça va prendre du temps. Donc on va commencer, on a eu un générique incroyable de Ennio Morricone, bien sûr, avec Giù la testa, DocuSucker, qui en français est une fois la révolution, un film, un superbe film de Sergio Leone. On va maintenant écouter beaucoup plus pas plus traditionnel, mais en tout cas un peu plus pop. Je ne sais pas trop où je voulais en venir, mais en tout cas, on va écouter Jeff Buckley, Lover You Should Have Come Over. Ça c'est bien prononcé de ma part. La version Olympia qui dure 7 minutes. On écoute et puis on revient après. À tout de suite, Jeff Buckley. Olympia. Merci. Quoi? Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Well, maybe I'm too to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you'll never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Are you tonight? Child, you know how much I need it. Too young to hold on, and too never see your sweet return. Oh. it's not too late. Thank you so much. C'était donc Jeff Buckley avec Lover You Should Have Come Over, qui est tiré donc du live à l'Olympia, qui est sorti en 2001. Très belle version de 7 minutes. On va écouter, donc, comme je vous disais, c'est Bulles de Rêve sur Radio Libertaire, l'émission 100% animation, enregistrée exceptionnellement aujourd'hui. On va écouter donc l'interview dont certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté la première partie lors de la dernière émission. Et j'étais un peu embêté de ne pas vous avoir tout passé. Et puis je me suis dit qu'il serait intéressant de toute façon de vous repasser l'interview complète, pardon. Je me suis dit que ce serait un plus intéressant de se replonger dedans, surtout que j'aime beaucoup vraiment ce que dit Beyo de Mohamed, le directeur artistique du festival. Comme je le disais, c'est un festival auquel moi j'ai eu la chance et le plaisir vraiment de participer trois fois maintenant, et qui est un festival, voilà, qui permet vraiment de faire un pont entre les différentes animations dans le continent africain, européen, mais aussi américain et asiatique. Il y a eu Koji Yamamura cette année du Japon. Bill Plimpton était là il y a 2 ans des États-Unis. Beaucoup d'Africains, évidemment, de réalisateurs africains et de réalisateurs marocains, mais de vraiment tous les continents. Et ça permet de voir des cinéastes qu'on ne voit pas forcément justement dans les autres festivals. Donc on écoute Beyoun Mohamed qui nous parle de cette 9e édition du FICAM et puis pourquoi surtout la volonté à un moment donné de faire ce festival d'animation. On écoute. Ok Beyoun, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, ça fait quoi, 15 jours que le festival est terminé? Déjà, on va, avant de parler du festival en lui-même, un petit bilan de cette 9e édition. Déjà par rapport à la qualité des invités, parce que nous sommes, je pense cette année nous sommes quand même passés à une vitesse supérieure, puisque nous avons accueilli des grands noms de l'animation française et internationale. Nous avons mis l'accent cette année sur l'animation britannique, donc nous avons accueilli dans ce cadre des noms comme Barry Purves, des noms aussi comme Shannon O'Neill qui travaille pour les studios MacKinnon & Sandus. Ouais. Nous avons accueilli pour la première fois, je pense, en Afrique, des studios les studios Aardman, représentés par David Sproxton, cofondateur de ces grands studios anglais. Voilà, donc un bilan très positif pour nous par rapport à la qualité des invités, un bilan très positif aussi par rapport au public, puisque nous avons atteint un chiffre de 20 000 spectateurs qui sont venus voir nos projections sur 5 lieux différents. Nous avons été présents dans toute la ville de Meknès, donc nous avons été présents à l'Institut français, bien entendu, qui organise le festival, mais nous étions au Médina. La Médina, ancienne ville, et où nous avions fait des projections gratuites pour des enfants qui viennent de milieux très défavorisés, en présence des artistes. Donc nous avions des gens comme Barry Purves, dont je parlais tout à l'heure, qui a présenté Hamilton Matresse devant des enfants de la Médina. Donc, grand moment d'émotion. Ouais. Pour l'artiste, mais aussi pour les enfants, mais aussi pour nous. Voilà, Benoît Chieux, directeur artistique sur Miaul Migou, qui a présenté ce long métrage en Médina et qui l'a présenté aussi sur la grande place historique qui s'appelle la place Nedim. Voilà, vraiment très très bilan très très positif. Et puis aussi, nous avons renforcé cette année notre programmation cinématographique avec des rendez-vous que nous avons intitulé Les coulisses de la création. Mmh. Et un thé à la menthe, le thé à la menthe. Donc chaque jour, nous partageons un thé à la menthe avec un professionnel ou un artiste autour d'un thé à la menthe, et puis à la cafette de l'Institut, puisque nous avons un bel espace à l'Institut français de Meknès, et donc chaque jour nous parlions de l'expérience d'un artiste. Ouais. Et puis ces rendez-vous étaient animés par Alex Huno, qui est... Merci. Du coup, en fait. Alors avant de revenir justement sur tout ce qui a fait cette édition, cette 9e édition, est-ce que tu peux nous dire, parce que j'en ai souvent parlé, parce que j'ai la chance d'être venu en effet, quand est-ce qu'est né le FICAM, et surtout tu te rappelles pourquoi il y a eu cette envie de créer le premier festival d'animation en Afrique, consacré uniquement au cinéma d'animation en Afrique? Ben, si tu veux, d'abord l'idée est venue pour une raison toute simple, c'est la passion pour le cinéma tout court d'abord. Ouais. Voilà. Déjà au départ c'était ça. Ensuite l'idée est venue parce que l'Institut français de Meknès, nous organisions énormément de choses et pour les enfants. Du coup, il fallait faire quelque chose pour les enfants, pour le jeune public, enfin, enfants aussi jeune public, parce que nous tenons beaucoup, il y a un projet qui nous tient à cœur à l'Institut français de Meknès, au personnel de l'Institut, puis à l'équipe, à l'action culturelle, c'est l'éducation artistique. Mmh. Et donc nous pensions à l'époque, c'était en 2000-2001, que le film d'animation pourrait être un très bon moyen justement pour montrer aux enfants autre chose qu'ils ont l'habitude de voir à la télé, essentiellement. Mmh. Et, mais aussi leur donner le goût aux enfants, aux adultes et aux familles marocaines de revenir dans les salles obscures, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, il y a d'abord, si petit problème de piratage, puisque ouais. vous trouvez beaucoup de choses en DVD pirate, mais aussi beaucoup de salles fermes. Les salles fermes de cinéma ferme au Maroc, donc, à désertent les salles, et donc nous pensions à l'époque que le film d'animation pourrait être un moyen pour faire revenir les gens dans les salles. Voilà, donc il y avait beaucoup de raisons, mais l'une des raisons, c'est vraiment la passion pour... vraiment pour le cinéma. À Meknès, et le film d'animation. Justement, à Meknès, il y a combien de cinémas, puisque tu parlais ? À Meknès, les salles qui sont encore ouvertes, moi je dirais, il y en a deux ou trois. Ouais. Sur une dizaine de salles, donc beaucoup de salles enfermées. Il y a même une salle qui a été rasée, qui date de 1921, qui était un très beau monument art déco. Voilà, parce qu'il faut savoir que le centre-ville de Meknès a été construit par les Français qui étaient présents à l'époque. Mmh. Et donc nous avions perdu une salle qui s'appelait le Cinéma de Région en 2007 qui a été rasée. Voilà. Et donc depuis quelques années, nous essayons aussi à travers le film d'animation d'attirer aussi l'attention sur l'importance du cinéma, puisque nous organisons, je pense que tu le sais très bien, nous organisons des projections dans un lieu magnifique qui est situé dans le cœur de la ville nouvelle de Meknès, qui s'appelle le Cinéma Caméra, ouais, et magnifique, qui date de 1938. Ouais. Ouais, qui a vraiment un très très beau cinéma qui est très étonnant, où tu essayes de passer, en fait, où le FICAM essaye de passer plutôt justement des vieux films lors du FICAM, enfin des vieux films en tout cas. Je sais qu'on avait présenté Betty Boop, là il y a eu La Table Tournante, non, qui est passée cette oui. année, qui n'est pas un vieux oui, film oui. en soi, mais qui parle de Grimaud. Et, ouais, et, et juste pour situer un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, Meknès, c'est au niveau du Maroc, c'est... La ville... Alors Meknès fait partie d'abord des villes impériales, puisque il y avait un sultan à Meknès qui s'appelle le sultan Moulay Ismaïl qui a fondé la ville de Meknès, donc c'était sa capitale. Donc il y a quatre villes impériales au Maroc, donc tu as Rabat, Marrakech, ouais. Meknès et Fès. Okay. Et Meknès est à 60 km de Fès, donc nous avons aussi une très très belle médina. Nous avons un très très beau centre-ville, hein, la ville nouvelle comme nous l'appelons ici. Et donc nous sommes très heureux de vivre à Meknès. Et en fait, le fait de créer le festival ici, c'était aussi une volonté pour nous, l'Institut français de Meknès, mais aussi, je pense que c'est très bien l'effort de notre mécène. Oui. Les concerts Meknès à Aïcha qui marquent d'abord une marque de confiture très célèbre au Maroc, et qui est pour beaucoup dans le succès du festival d'animation que nous organisons. Oui, parce que c'est vraiment le partenaire historique qui est là depuis les débuts, depuis 2001. Depuis le début, enfin depuis quelques années déjà, depuis 2004. D'accord. Depuis 2004, c'est là où ils ont vraiment mis le paquet sur le festival, parce qu'ils croient dans le projet. Les concerts Meknès Aïcha croient surtout l'accompagnement des artistes marocains. D'ailleurs, je pense que tu as suivi un peu ce qui s'est passé ces dernières années. C'est grâce aux ateliers de formation, grâce à tous nos intervenants français qui viennent, mais maintenant on peut parler un tout petit peu d'une jeune création marocaine. Alors, on va en parler, juste pour reparler, on va du FICAM. Qu'est-ce que toi, parce que c'est intéressant l'aventure du FICAM, qu'est-ce que toi, au tout début, tu connaissais, maintenant tu connais beaucoup de choses, je le sais, on en parle souvent, mais du cinéma d'animation? Parce qu'au début, tu étais comme beaucoup de gens, moi le premier, en fait, connaissais quoi, les grands noms, c'est ça, Disney, ce genre de choses que... Oui, si tu veux, d'abord, moi, comment je suis venu au film d'animation, c'est que moi, je suis très bon dessiné, déjà. Ouais. Depuis mon enfance, c'est que quand j'étais tout petit, mon père m'a acheté des Spirou, des Pif Gadget, ouais. Voilà. Et moi, j'ai appris le français, je tiens à le souligner, dans la bande dessinée. Donc si tu veux, j'ai baigné un peu dans cet univers de l'image, donc je pense que les liens est très... Tu peux facilement retrouver le lien avec le film d'animation. Ensuite, moi, à côté de mon travail à l'Institut, je fais aussi un tout petit peu de dessin de presse. Ouais, t'en fais pas. C'est là où je voulais en venir, t'en fais quand même. Oui, moi j'en ai souvent vu, tu travailles pour plusieurs magazines. Hein. Voilà, donc je travaille pour des supports de presse à Casablanca. Donc si tu veux, tu peux juste établir le lien, expliquer ma passion pour le film d'animation. Mais au départ, effectivement, je connaissais les classiques comme Disney. Bon, après, il y a des choses que j'aime et d'autres que j'aime pas. Voilà, mais j'ai aussi eu ma claque comme beaucoup de gens quand je suis allé la première fois à Annecy. Voilà, j'ai... En 2003, et c'est là où, si tu veux, j'ai vraiment découvert le court-métrage d'animation. Parce qu'il faut savoir que dans le réseau des instituts français, nous avons un programmateur à l'Institut français de Rabat qui programme pour l'ensemble du réseau des instituts et Alliance franco-marocaine, qui est un réseau très très important, nous programmions du film d'animation. D'accord. Voilà, il y avait des cycles de films d'animation, donc j'ai découvert en fait, j'avais déjà vu des choses, déjà vu des films d'animation, pas forcément commerciaux. Il y avait même un programme de court-métrage africain qu'on avait diffusé il y a quelques années déjà, avant la naissance du festival. D'accord. Et donc si tu veux, c'est vraiment avec le festival d'Annecy que j'ai découvert ce que c'est que le court-métrage, vraiment ce que c'est que le court-métrage d'animation. Et après, c'est aussi, moi j'ai appris beaucoup de choses en côtoyant des gens comme toi par exemple, et puis aussi des gens que je rencontre à Annecy. Voilà, donc ma perception du film d'animation a beaucoup évolué. Tu te rappelles du premier invité de marque, on va dire, qui est venu au FICAM? Oui, très simple, Michel Oslo, 2002. Et ça a été facile de le faire venir, ouais? Ça a été facile de le faire venir pour la simple raison qu'il préparait à l'époque Azur et Esmar. Ouais. Donc quand Michel Oslo est venu pour une simple raison, c'est qu'il voulait faire le repérage pour Azur et Esmar. Donc il a fait la projection dans le fameux Fondouk que tu connais très bien, on fait la projection pour les enfants. Donc il avait présenté Kirikou et la sorcière et Prince et Princesse à l'Institut français mais aussi en Médina. Et puis il avait pris des photos de mosquées, de la grande porte qui est le symbole de la ville de Meknès qui s'appelle la porte Mansour, le Bab Mansour. Il avait pris des photos de Médersa, il est allé à Fès, il a pris des photos de fontaines, de la fontaine Nejarine, le menuisier. Beaucoup de photos et tous ces endroits-là que je viens de citer, on les retrouve un peu maquillés ou on les voit dans Azur et Asmar. Et moi je pense que tu étais là en 2007, la projection d'Azur et Asmar à Meknès, c'était vraiment un grand grand succès. C'était un bel hommage à Meknès, puis un bel hommage au festival. C'est pour moi personnellement, pour l'ensemble de l'équipe, Azur et Asmar reste quand même représente une grande fierté personnelle. C'était touchant, oui, il y a une présentation dans les jardins, à l'époque il y avait encore des présentations dans les jardins de l'Institut français, et il y avait la vieille ville, la Médina en fait derrière, même si ça commençait, la nuit commençait à baisser, et c'est vrai que de voir les images d'Azur et Asmar sur ce grand écran avec la vieille ville derrière était quelque chose de très touchant. Oui, surtout comme tu dis, ensuite il y a eu la chance qui était là, ceux qui étaient là, petite visite comme ça, et Michel Oslo disait là c'est la fontaine qu'on voit dans le film, là c'est là où j'ai eu cette idée là, et puis la porte. Et puis les projections, puisque tu parles du jardin avec la médina juste derrière, surtout le soir quand les minarets s'illuminent et que tu as plein de petites lumières sur toute la médina, c'est surtout, moi je me souviens d'une projection qui était assez décalée, c'est celle de Interstellar 555 de Daft Punk avec le décor de la médina derrière. Ça, je pense que c'était un super souvenir pour tous ceux qui étaient là ce soir-là. Ouais, c'était incroyable. C'est assez décalé, assez... Voir ce film avec le décor derrière, c'était quand même quelque chose. C'est bien de faire des décalages comme ça, pas forcément justement Azur et Asmar est d'une évidence, mais aussi d'amener autre chose, une autre vision des images, mais finalement. Bien sûr. Si tu veux l'idée ici par rapport à ce festival, surtout que quand tu vois tous les jeunes qui viennent de toutes les écoles d'art marocaines, c'est de montrer vraiment ce qui se passe ailleurs. C'est un peu la claque que nous avons eue ainsi. Ben, on a envie que ces jeunes-là aient cette claque-là, même claque au Maroc, une claque artistique, bien entendu. C'est-à-dire quand ils rencontrent quelqu'un comme Taka Ata, qui était en 2006 à la cafette de l'Institut en train de dessiner ou de regarder les dessins des jeunes, ça, c'est cette ambiance décontractée avec les artistes qui se prêtent au jeu des questions-réponses ou de regarder, de montrer un peu ce qu'ils font, ça c'est quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup. pendant le festival. C'est de garder cet esprit convivial qui fait, je pense, qui fait que FICAM se démarque par rapport à d'autres festivals. Je ne sais pas si à toi d'être... Non, mais oui, tout à fait, tu as raison. Moi, c'est ce qui m'a toujours épaté en venant. Enfin, ça fait 3 fois que je viens, j'ai la chance de venir. Et c'est vrai que je trouve qu'ils sont... Les créateurs sont dans une vision différente des choses. Souvent, hein, la plupart, on généralise, mais quand ils se retrouvent à Meknès et qui sont beaucoup plus qu'ont un discours qui est différent, on va revenir par rapport à cette année. Est-ce que toi tu sens justement, parce que nous on le ressent de manière assez évidente, mais est-ce que tu sens aujourd'hui peut-être par rapport aux gens que tu invites, quand tu dis FICAM, ça va être la 10e l'année prochaine, peut-être un début de reconnaissance par rapport à ton travail, hein, qui est énorme, et oui, par rapport au travail du FICAM et de toute l'équipe, quoi, aujourd'hui, oui, quand tu dis FICAM. Oui, mais si tu veux, en invitant d'abord des gens comme Takahata, ou comme Michel Ouslou, Laghioni, Jacques Rémy Girard, Barry Perve cette année, Jérôme Deschamps, Pascal Hérold, c'est d'abord que tu donnes une image de marque à ton festival. Tu vois, comme tu positionnes ton festival comme un rendez-vous important, ce qui est très très très important pour nous. Mais ensuite, tu t'appuies aussi sur un réseau d'amitié. Et moi, je tiens à remercier encore une fois tous les gens qui te soutiennent, hein, dont toi. Beaucoup de gens, j'ai peur d'oublier tout le monde, mais qui nous soutiennent beaucoup parce qu'ils croient dans le projet de notre festival. Humain et artistique. Et pour nous, effectivement, c'est une très très belle reconnaissance de voir des choses qui se passent, de voir des invités de marque qui sont à l'Institut français de Meknès, boire un café, partager un thé à la menthe avec les étudiants, avec les professionnels marocains. Oui, c'est une très très belle reconnaissance. Et comme tu dis... Même du fond, on a l'impression vraiment de vivre, quand tu vois ces gens-là à Annecy, et quand tu les vois, tu vois, à Annecy ou ailleurs, dans d'autres festivals, puis quand tu les vois à côté, des fois tu dis, c'est pas un rêve éveillé. Je trouve que cette année là, j'avais une autre question entre temps, mais puisque tu dis ça, je trouve que cette année la rencontre que j'ai eu la chance de faire, mais avec Pascal Hérold, le réalisateur de La véritable histoire du Chaboté, est étonnante d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu me l'avais dit, puis moi je l'avais vu, il était très défiant par rapport aux journalistes, et c'est vrai que le film a été pas mal massacré par la presse. Je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais en tout cas c'est vrai que des fois les rencontres comme ça peuvent être un peu dures, et j'ai trouvé que là justement il avait même un regard assez lucide sur son film, aussi bien dans les qualités que lui aimait, mais aussi dans les défauts. J'ai l'impression que c'est des réalisateurs comme ça, on s'ouvre beaucoup plus finalement à Meknès, comme s'il n'y avait pas la chape de plomb du métier de tous les gens de l'animation ou du métier dans lequel ils travaillent, qui est là, le cinéma d'animation, qui les regardait. On a l'impression qu'ils sont un peu hors du monde, et ce qui fait que quand, ça c'est une vision des choses, mais c'est vrai que quand les gens se quittent à la fin du festival, même si vous, je comprends, l'équipe est un peu soulagée, ça s'est bien passé, c'est fatigant, mais il y a beaucoup d'émotions, je trouve, quand le festival se termine, ce qu'il n'y a pas dans moi les autres festivals que j'ai vus, comme Annecy ou quoi. On a presque l'impression qu'il y a une petite famille, et depuis cette année, depuis l'année dernière, le fait que tout le monde mange en plus à l'Institut, il y a un côté petite famille qui se retrouve quasiment tous les jours. Je sais pas si toi tu ressens ça de cette manière-là aussi. Oui, moi je ressens comme l'ensemble de l'équipe, c'est important, enfin, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'humains dans ce festival, et puis c'est quelque chose qu'on doit garder. Alors il y a une dimension humaine est très importante. Hein, il y a plusieurs choses. On va vite faire un petit tour quand même du festival. Il y a les séances, parce que ce qui m'impressionne depuis le début, c'est qu'en fait les séances sont devenues de plus en plus. Tu vas rechercher maintenant des gens comme Erika Russell qui travaille sur la danse, qui était là cette année. C'est-à-dire que tu vas rechercher des gens de plus en plus pointus. Oui. J'ai l'impression, hein, dans le domaine de l'animation. Tu peux nous en parler un petit peu. C'est un acheminement. c'était normal. C'est-à-dire quand on a commencé le festival, on a commencé d'abord par des séances grand public. On a travaillé beaucoup sur, les projections scolaires. Donc, il fallait commencer petit à petit. Ensuite, nous avons insisté sur la formation vis-à-vis des jeunes, etc., pour qu'on puisse avoir du court-métrage marocain. Ensuite, maintenant, cette année, on est passé à la compétition internationale du film d'animation, puisque nous savons que au moins un film marocain peut concourir, parce que ça sert à rien de faire une compétition internationale s'il n'y a pas de film marocain et s'il n'y a pas de film court-métrage africain, sachant que l'année dernière, nous avons organisé la première compétition internationale du court-métrage d'animation africain. Donc, si tu veux, tout se construisait comme ça, tout doucement, dans le temps et avec beaucoup de patience. Tu peux pas commencer, démarrer le festival et inviter tout de suite quelqu'un comme Eric Caracel et Barry Purves à un public qui ne connaît pas et qui ne connaissait pas encore le film d'animation. Il fallait d'abord faire un travail sur le public jeune, enfant, mais aussi sur le grand public, le public adulte. Cette année, tu as remarqué, par exemple, que nous avons fait des séances à 21h. Tout à fait. Ce qui représente un grand effort comme dans une ville comme Meknès, parce que nous ne sommes pas à Casablanca. Il faut savoir que c'est une ville qui a ses codes, qui a, voilà, où il y a aussi, il faut prendre des paramètres en considération, comme le transport le soir, les filles qui doivent rentrer le soir, etc. Il y a plusieurs paramètres sociaux que nous prenons en considération, etc., etc., etc. Donc, si tu veux passer aux séances de 21h pour avoir un public plus adulte et faire la programmation qui va avec. Voilà, en fait, c'était toute une réflexion de plusieurs années. Mais on aurait pu, on s'aventurerait pas, il y a quelques années, à projeter des films d'Eric Caracel, par exemple, sachant que à l'époque, le public découvrait le film d'animation, et même la presse marocaine, à une époque, il y avait, par exemple, pas tous, mais dans quelques articles, par exemple, il y avait confusion entre bande dessinée et film d'animation. Ouais, il y avait tout un travail à faire. Maintenant, si tu veux, même le mot cinéma d'animation était introduit au Maroc, dans la presse ou dans les médias ou même chez les étudiants, le grand public, grâce au festival. Parce que le festival... On n'est plus festival de dessins animés. C'est bien Bulle de Rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. L'émission est aujourd'hui enregistrée. On vient d'écouter la première partie de l'interview de Beyoun Mohamed, qui est le directeur artistique du FICAM, Festival du cinéma d'animation de Meknès. On va faire une petite pause avec, aujourd'hui, je vous fais partager des plaisirs musicaux un petit peu plus longs que d'habitude. Et là, on va écouter un groupe qui s'appelle Larsen, un groupe italien. Et on écoute le morceau S. Nous écoutions le morceau S du groupe Larsen, un groupe italien, d'un album qui s'appelle Play, qui date de 2003-2004, qui est sur Important Records, je crois, si c'est bien le label. Nous allons rapidement passer donc à la deuxième partie de l'interview de Béhumamé, directeur artistique du FICAM, qui nous parle toujours de cette 9e édition du FICAM. On écoute, à tout à l'heure. Justement, parlons un peu, parce qu'il y a deux choses qui touchent beaucoup de gens qui viennent au Maroc. La première, c'est le fait que le festival, là tu viens de parler en effet de 21h, est vraiment énormément, tu l'as dit au début, ancré dans la ville et fait pour les gens de la ville, et notamment les enfants. Et il y a toujours ces séances le matin qui sont remplies d'enfants qui sont toujours très touchants pour les créateurs qui viennent, parce qu'on a des enfants qui vivent vraiment avec le film. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous travaillez avec les écoles notamment? Oui. Et un travail en amont déjà par rapport au choix des films, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire tout un travail de sélection des films, etc. Nous avons des gens avec lesquels nous travaillons. Il y a des distributeurs, notamment français, qui font un super boulot. Je cite notamment le film Dupréau, ouais, avec des dossiers pédagogiques, etc. Donc il y a un choix dans lequel on tient en compte l'implication des enseignants, etc. Donc on envoie dossier avec tous les films, avec une présentation des films, un mois avant le festival. Et ensuite, si tu veux, les écoles réservent. Voilà, ils réservent et on mentionne sur les dossiers, on insiste sur les tranches d'âge. Voilà. C'est-à-dire ce programme-là correspond à des enfants une tranche d'âge de 3 ans, c'est à 6 ans, à 12 ans, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a toute une réflexion sur le public enfant. Parce que, et de toute façon, si tu veux, faut pas oublier que le Maroc, il y a un gros pourcentage de jeunes. Ouais. Par rapport à la population. Et puis, si tu veux, pour nous, c'est ça, c'est le public de demain. Oui, donc il faut le former. Je parlais tout à l'heure d'éducation artistique. Il ne faut pas oublier une chose qui est très, très importante quand tu évoques les scolaires, qui est tout un travail qui est fait tout au long de l'année. Cette année, nous sommes partenaires de l'association des enfants du cinéma. Et nous avons lancé pour la première fois au Maroc le dispositif Écoli-Cinéma. Wow. Avec ma collègue Nadine de Brouaz qui s'occupe de la coopération éducative à l'Institut français de Meknès. Et donc nous avons fait tout un travail envers des enseignants, envers des écoles, avec un intervenant français, Yves Bouvray, qui est directeur artistique du festival du Val d'Oise, ouais, qui est venu, qui a travaillé avec un groupe d'enseignants et qui ensuite, sur toute l'année, ont ramené leur classe voir trois programmes de courts-métrages. Et dont le dernier, c'était la table tournante que nous avons projetée pendant le festival. Voilà, si tu veux, là, on se contente pas du festival pour faire tout le travail éducatif et sensibilisation à l'image, mais il y a tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Il y a des projections tout au long de l'année, il y a des expositions, il y a des ateliers, etc. etc. Alors, parle-nous d'un autre... t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment qu'on parle, parce que c'est l'un des grands moments cette année. Les deux créateurs, le réalisateur et le producteur de Brendan et le secret de Kells, ont dit que c'était sûrement l'une des plus belles séances qu'ils aient jamais vécues de leur film. C'est au fond de Oui. Et sur la place aussi. Tu peux nous parler surtout du Fondouk? Comment c'est venu cette idée-là et pourquoi? Alors déjà, en parlant du film, c'est-à-dire l'un de nos objectifs, c'est défendre des films ici au Maroc, des films comme Brendan et le secret de Kells, comme la véritable histoire du Chaboté, comme Yael et Migo, qui de toute façon ne sortiront jamais dans le circuit commercial au Maroc, qui... les films commerciaux sortent essentiellement à Casablanca. Voilà. D'accord. Deux, il y a toutes ces films-là, il y a quelques 6 films sont sélectionnés pour faire ce qu'on appelle le FICAM Maroc, c'est-à-dire on s'appuie sur les réseaux des instituts français et les alliances franco-marocaines pour faire tourner sur 12 villes marocaines, ce qui est énorme, ça fait 2 mois de tournée. Il y a même des villes où il n'y a pas de salle de cinéma du tout. Et donc c'est quoi films, cette année, Brendan Secret de Kells a fait partie de cette tournée-là. Mmh. Et on touche mais vraiment un grand, grand public à travers tout le Maroc. Alors, pour revenir au Fondouk, le Fondouk était un ancien caravansérail situé dans l'ancienne ville, dans la Médina de Meknès. et qui est devenu une maison de jeunes. Ça s'appelle le centre interculturel Fundouk El Henna. C'est le Fundouk El Henna. El Henna veut dire aîné en arabe, classique. Et cela, c'est un endroit, une époque, les gens venaient avec leurs montures, laissaient leurs montures, enfin, les voyageurs venaient se reposer dans cet endroit-là. Donc l'endroit est magique, c'est un très très beau lieu, avec une très très belle cour à l'intérieur, avec une belle architecture, du zellige, de la mosaïque. Donc nos invités étrangers, français, anglais, américains, quand ils viennent, ils sont ravis de venir dans un endroit atypique. Pas une salle de cinéma, mais que nous avons adapté pour que ça devienne une salle de cinéma. Il faut savoir aussi qu'on ramène un projecteur 35 mm, que toutes les projections là-bas se font pour 35 mm, parce que nous pensons que les enfants de cette médina, qui, comme je le disais au début de l'interview, viennent d'un milieu pauvre, doivent vivre un vrai moment de cinéma, le cinéma paradiso. Voir ce que c'est qu'un 35 mm, entendre le roulement du projecteur, etc., voir la bobine. Nous pensons que c'est des choses qui peuvent marquer un enfant, que ça peut être important pour la suite, pour sa vie, pour lui, voilà. Et puis je pense que les créateurs à ce moment-là, sans faire de l'angélisme, mais vraiment moi je les ai vus plusieurs fois, pas comprennent, mais comprennent pourquoi ils créent, c'est peut-être un peu fort parce qu'il faut pas non plus, mais quand même ça fait partie énormément de leur volonté de créer. Le réalisateur de Brendan notamment voulait rester dans la salle, la salle était éteinte, mais pour redessiner, et d'un seul coup il avait un vrai retour du public quelque part. Il y avait quelque chose qui était assez touchant et assez émouvant et qui était vraiment vécu. On sentait qu'il y avait, c'était pas de la, voilà, il faisait pas ça pour c'était pas la représentation, on va dire, qu'il était vraiment touché par ce qui se passait. Bien sûr. Mais le réalisateur de Brendan, je parlais tout à l'heure de Barry Pearl, de Benoît Chieux qui a travaillé sur Mie et Mégou. Il y avait Takahata qui avait présenté son film là-bas, qui avait insisté de revenir pour répondre à la question des enfants alors que c'était pas prévu. Il y avait Jacques-Rémy Girard qui a présenté ses films, Michel Oslo, Colomba. Et rappelons-nous, j'allais te le dire, rappelons-nous Colomba qui était... qui a beaucoup de fans. Ah oui, hein. Il a de Meknes. C'est quand même des grands moments d'émotion au Médina, et c'est vraiment un des moments forts du festival, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, il y a sur la grande place, donc, cette volonté aussi, encore une fois, parce que c'est gratuit, d'offrir en fait encore un cadeau qui vient en fait, c'est gratuit, et de leur proposer... souvent des grands films. Cette année évidemment c'était DreamWorks, il y a eu Pixar, mais il y a eu aussi, comme tu dis, Mia El Migou, sur cette grande place. Ouais. Programmation grand public d'abord, variée, et puis ça s'adresse à un public de famille, puis tu sais que sur cette grande place-là, il y a des cafés tout autour, donc les gens sont sur les cafés, sont debout, viennent avec leurs enfants, etc. Donc c'est d'abord donner une dimension festive au festival, ce qui est très très important, mais c'est aussi sortir le cinéma et aller vers des salles obscures, même si on a envie de faire venir les gens, mais c'est peut-être aussi d'aller vers les gens pour qu'ils puissent revenir ensuite, surtout les enfants reviendront un jour voir des films dans des salles de cinéma. Alors justement, on va finir, mais avec évidemment une chose importante, il y a la rencontre avec le public, et puis t'en as déjà parlé, mais j'aimerais que tu nous dises juste les différentes choses que tu organises. Il n'y a pas encore, tu es un acteur privilégié maintenant, tu vois, il n'y a pas encore d'école spécialisée en cinéma d'animation réellement au Maroc. Par contre, il commence à y avoir des petites choses, tu peux nous en parler. Puis c'est toujours étonnant la rencontre avec les étudiants. Je parlerai un petit peu hors micro, enfin hors interview, je parlerai de mes rencontres à la CAFETE que j'ai eu la chance de présenter. Mais il y a une envie de la part de ces étudiants. Comment ça se passe au Maroc aujourd'hui, et qu'est-ce que le festival a mis en place par rapport aux ateliers, par exemple, pour les étudiants? Ce qui se fait en matière de films d'animation, c'était surtout pour les pour la pub. Il y a des choses qui sont faites en image de synthèse pour la pub, etc. Donc il y a des jeunes qui travaillent dans des boîtes. Nous, on a commencé en 2004 avec notre premier atelier storyboard, parce qu'il n'existe pas de formation storyboard du tout. Les jeunes qui ont fait ces ateliers-là peuvent travailler, faire des films d'animation, mais se retrouvent avec leur CV et quelque chose qu'ils peuvent vendre à des boîtes de pub, à des séries télé, etc., que ce soit animation ou pas. Donc on a commencé par ça. Ensuite, on a travaillé sur le scénario, parce que pour ceux qui avaient des jeunes qui maîtrisaient la technique, mais qui avaient quand même un petit problème d'écriture. Et ensuite, chaque année, donc il y a pendant le festival et après le festival, la première formation de réalisation de court-métrage, c'était Louis Brisseno. Qui a vraiment, pour moi, ça a marqué l'histoire du festival, parce que Louis Brisseno a montré aux jeunes comment faire un film, un court-métrage, avec une super bonne idée de départ. C'était la bande-annonce du festival en 2006, mais avec peu de moyens. Et en fait, Louis Brisseno ouvre les portes à des jeunes. C'est-à-dire, il y en a un, par exemple, qui est devenu un réalisateur professionnel, qui a réalisé notamment le clip d'un grand groupe marocain, de rock marocain, qui s'appelle Obobo Asperi. Ouais, j'ai déjà fait écouter. Cette année, depuis, est devenu, fait partie, il s'est vu offrir 2 ans de formation. Et là, je grand merci à Franck Petitat, directeur de l'école Méliès. Donc, il s'est vu offrir 2 ans de formation. Donc là, il a fini sa première année, je crois, à l'école Méliès à Orly. D'accord. Donc ça, c'est important, oui, les liens qu'il peut y avoir entre le festival et des écoles plus renommées, on va dire, qui ont déjà bien mis en place. Oui, oui, oui. Oui, chaque année, nous accueillons une école française, donc nous avons déjà accueilli Superfocom, nous avons accueilli le représentant des Gobelins, donc nous projetons notamment des courts-métrages, des programmes de courts-métrages de films de fin d'études d'écoles françaises, de manière, ce que je disais tout à l'heure, à ouvrir des perspectives aux étudiants marocains. Si tu veux, il y a le travail pratique. C'est-à-dire, ils font l'atelier storyboard, ils participent à des ateliers de réalisation de courts-métrages, mais aussi, le travail, enfin aussi, tu te formes aussi en regardant des films. Ouais. L'importance pour ces étudiants de voir des films comme ceux d'Eric Arafel tout à l'heure, tu vois. Donc c'est vraiment un puzzle. Tout FICAM est un puzzle, enfin, tout est lié, tu ne peux pas dissocier la programmation de la formation, tu ne peux pas dissocier le Fondouk dont on parlait tout à l'heure de la formation. Enfin, la formation, on forme les étudiants, on forme le public, on forme les enfants qui sont les futurs spectateurs. Enfin, tout ça est lié, c'est un projet réfléchi depuis des années, et on commence maintenant à raconter un tout petit peu les fruits, mais c'est vraiment toute l'équipe de l'Institut qu'il faut féliciter. Parce qu'à une époque, il n'y avait rien. Il y a pas, vous ne pouvez même pas parler de films, de courts-métrages d'animation au Maroc. Maintenant, quand tu vois le court-métrage qui a été réalisé par les étudiants marocains, encadré par Gabriel Jacquet, qui est venu dans le cadre du partenariat avec nos amis de Fou d'Anime, nos amis lillois de Fou d'Anime, tu te rends compte que quand même, il y a du chemin qui a été fait. C'est sans chercher, mais ça, c'est une certaine fierté d'avoir réussi à faire ça, je suppose. Oui. Hein? Ah oui, pour toute l'équipe, oui. Parce que c'est... Oui, quand tu vois que je te disais tout à l'heure, il n'y avait rien, et maintenant tu as des courts-métrages qui se font, il y a des jeunes qui viennent, et puis n'oublions pas le grand prix Aïcha de l'animation, donc vers notre sponsor, notre mécène, qui met chaque année 5 000 euros, justement, pour produire un projet de court-métrage. Oui, parce qu'il y a ça, il y a ce Grand Prix Aïcha qui est un concours en fait de scénarios. C'est un scénario, il y a un jury qui prend en compte plusieurs scénarios et il y a le Grand Prix et ils ont un an normalement pour le faire avec. Mais en fait, si tu veux, c'est très simple, hein. On s'est inspiré de ce qui se fait à Annecy. Voilà. Ouais. De ce qui se fait à Annecy par rapport au projet de création. J'avais demandé le soutien de Mme Tiziane Aloski, que je remercie encore une fois parce que Annecy a beaucoup aidé Meknès. J'avais pris un rendez-vous avec Monica Corbani, qui s'occupait à l'époque de ce projet. Ouais. Et voilà, donc on a repris le règlement, on s'est inspiré, on l'a adapté à la réalité marocaine. Et voilà, ça fait que le projet existe. Mais alors, il y a tellement de choses qui, en quelques années qui sont arrivées, avec maintenant, en effet, la compétition africaine, qui est importante, puisque, évidemment, malheureusement, comme c'est l'animation africaine débute, enfin, il y a quelques grands noms, mais elle débute quand même un petit peu, on va dire. Elle repart, on va dire, puisque les grands noms de l'animation africaine. Il y en a assez peu d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a des DVD qui vont sortir très prochainement. J'ai appris ça à mon retour de Meknès d'ailleurs, où il va y avoir de nombreux 2-3 DVD avec les noms qu'on connaît de l'animation africaine, dont j'ai déjà parlé, on a déjà parlé à Bulle de Rêve. Il y a pas mal de choses, donc il y a même beaucoup de choses qui sont faites. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On va parler un peu de l'avenir pour les 10 ans, le 10e festival et par la suite. En fait, un rêve qu'on connaît depuis longtemps, c'est compliqué, mais on va y arriver, c'est que FICAF devient le marché du film d'animation africain. En fait, c'est ça, ça c'est le rêve qu'on connaît depuis quelques années déjà, et puis qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les années à venir, peut-être l'année prochaine. Mais et puis aussi d'impliquer les télés africaines pour qu'on puisse aussi parler de films d'animation, parce que pour qu'il puisse y avoir des séries africaines, il faut qu'il y ait de l'argent de la télé. En fait, donc, il faudrait faire de la sensibilisation vis-à-vis des chaînes africaines. Donc, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Donc, nous y réfléchissons et on impliquons les acheteurs, les diffuseurs, et puis on impliquons aussi des artistes. L'année dernière, en 2008, il y a tout un travail qui a été fait pour trouver justement et inviter les noms de l'animation africaine sur tout le continent. Donc, il y avait des gens qui travaillent, mais chacun travaille dans son côté. Donc, on a fait un boulot énorme. Et là, je souligne le travail de ma collègue Amel, qui a fait un énorme boulot l'année dernière, qui est allée, aller dans les pays, mais en fait on est allé à travers tout mon réseau d'amitié, des gens qu'on connaît dans le milieu de films d'animation, trouver de ramener un réalisateur, inviter un réalisateur comme Roger Hawkins qui travaille en Afrique du Sud, il y a un studio au Sénégal qui s'appelle Pictoon, il y a un grand réalisateur qui est un des premiers d'animation africaine qui vit en Tunisie, qui s'appelle Zouhir Mahjoub, ramener des réalisateurs algériens, et puis aussi inviter l'expérience égyptienne, parce que n'oublions pas que l'Égypte est le pays où on a eu les plus premiers films d'animation, les frères Franken, tout à fait, années 30, années 40. Donc il y a tout un travail à faire pour que ces gens-là se connaissent, puissent venir, etc. Et qu'on va essayer d'exploiter dans les années à venir. Cette année, on a présenté le premier long-métrage africain en images de synthèse. Voilà, on peut discuter de l'artistique, mais ça reste quand même un grand moment dans l'histoire d'animation africaine. Bien sûr, ouais. Voilà, il y a des choses à faire, nous y réfléchissons, et puis voilà. Donc voilà, il y avait plein de choses, on n'a pas parlé du labo, j'ai un trou de mémoire, pourtant c'était super bien ce qu'ils ont fait. Lab 212, ouais, j'allais les appeler, Lab 212, rapidement. Alors, l'FD 112, c'est des jeunes qui travaillent, qui travaillent sur l'image numérique et qui nous ont concocté une jolie exposition vraiment adaptée pour la galerie de l'Institut français de Meknès. Donc, le cahier de charge était simple, c'est de faire une exposition autour de l'image numérique, mais pour un public d'enfants et familles. Et voilà, je pense qu'ils ont vraiment réussi leur pari. Ils étaient 6, très impliqués, très présents. Ouais. Voilà, parce que nous pensons que l'avenir du festival, c'est aussi l'image numérique. Voilà, c'est un volet de programmation sur lequel nous insisterons dans les années à venir. Bon, puis plein d'expos, plein de choses. Est-ce que la seule petite chose qu'on peut espérer aussi pour le festival, c'est qu'il commence, c'est bien en Afrique, mais c'est aussi peut-être que quelques journalistes et quelques professionnels d'animation commencent à venir aussi un petit peu. En tout cas, ça, c'est moi, étant impliqué, enfin, aimant vraiment beaucoup le FICAM, c'est ce que j'espère un petit peu, c'est qu'il y a quelques-uns qui commencent aussi à se dire, et que le FICAM, et ça en prend la tournure, je pense, puisse devenir l'un des festivals où... En tout cas, chaque année, les gens se posent des questions. Tout le monde va à Annecy, mais tout le monde se dit, bon, est-ce que je vais à Zagreb cette année? Est-ce que je vais à Hiroshima? Enfin, les grands noms qui sont un peu loin. Et le FICAM Meknès étant si près, finalement, de beaucoup d'endroits, genre de l'Espagne, de la France. De Paris. L'Espagne est à côté, l'Italie, enfin, il y a tout, c'est... Là, on parle de l'Europe, mais il y a vraiment plein d'endroits. Donc, j'espère que ça va continuer. Et pour finir, on peut juste dire un petit mot, en effet, peut-être en disant, c'est pas pour faire de la... je sais pas comment dire, mais c'est parce que je trouve que l'équipe derrière toi est très impressionnante. Tu viens, t'as parlé d'Amal qui fait un boulot énorme depuis 2 ans, mais il y a Kamal qui est aussi dans, qui bosse beaucoup. Il y a plein de gens qui sont finalement impliqués, les chauffeurs, Reda. Nous avons une directrice aussi, oui, qui est très impliquée. C'est sa première année à l'institut, il est vraiment très très impliqué. Marie-Annick Duard, mais toute l'équipe en fait, toute l'équipe de l'institut, que ce soit Amal, Kamal, mes collègues chauffeurs qui vont chercher les artistes et qui attendent chaque année le festival avec beaucoup d'impatience. Ah oui. Parce qu'ils sont très impliqués et parce que c'est eux qui accueillent les artistes, ils discutent avec eux, leur parlent du Maroc, leur parlent voilà, de la pluie, leur parlent voilà, tout petits détails qui font que les gens sont bien accueillis en fait. Donc voilà. Oui, c'est vraiment important. Et puis cette l'accompagnement, les stagiaires aussi. Cette année, il y a eu Blandine qui était une stagiaire qui n'était pas allée du tout pour le FICA, mais qui s'est impliquée. Et tombée dans la marmite. Hein, c'est assez impressionnant. Au bout de quelques jours, elle était déjà et elle amenait les. Elle s'occupait avec Fatima comme ça des gens et de savoir d'aller visiter, parce qu'il y a des lieux absolument merveilleux à voir en plus autour de c'est évident au Maroc en général, mais autour de Meknès, pas très loin, il y a des lieux absolument magnifique à aller voir aussi. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette longue interview. Tu as merci dû, à toi. Tu et as puis merci, hein, Alexis, je tiens à le dire, pour tout le soutien que tu nous apportes. Voilà. Eh ben, c'est personnel, c'est... professionnel depuis quelques années. Et puis Annecy. Oui. Merci, on se voit à Annecy et puis ben et puis on continue, je continuerai, ouais, inchallah, je continuerai de toute façon à parler le plus possible du FICAM, qui est vraiment un très très beau festival. Merci infiniment. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. On vient d'écouter la deuxième partie de l'interview de Beyoun Mohamed, le directeur artistique du FICAM, qui nous parlait de la 9e édition du festival qui s'est déroulé cette année au mois d'avril-mai. Voilà. On va écouter maintenant, avant de passer un petit peu plus tard, à Gabriel Jacquel, qui va lui nous parler notamment de son implication dans un des ateliers de ce FICAM. On va écouter une chanson d'Alain Bashung, toujours sur la ligne blanche. Pareil, pour l'avoir un petit peu plus longue, on l'écoute dans sa version live. A tout de suite. Sur vos journaux, qui s'appelle cet endroit. Je me suis perdu, je reconnais pas. J'ai pas bien lu le scénario. Je me souviens de nous toutes, coupé en deux. J'ai pas vu le panneau, fermé les yeux, toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Vous écoutez bien Radio Libertaire, c'est l'émission Bulle de rêve, l'émission 100% animation, et on écoutait Alain Bashung avec Toujours sur la ligne blanche, tiré de son live Climax qui est sorti en l'an 2000. On va passer à la deuxième interview du jour à propos du FICAM, le Festival International du Cinéma d'Animation de Meknès. C'est Gabriel Jaquel. Gabriel Jaquel est un réalisateur d'un petit court-métrage composé de trois petits épisodes qui s'appelle Recto Verso, un court-métrage qui devrait normalement devenir une série très prochainement. Et il a été réalisateur et il a aidé dans l'animation de jeunes étudiants marocains qui venaient de tous les endroits du Maroc pour faire un très joli film qui s'appelle Écriture. Et donc il va nous parler de cet atelier. Il y a de nombreux ateliers au FICAM, hein, storyboard pendant le festival et avant le festival, notamment de réalisation. Et donc il va nous parler de cet atelier particulièrement. On écoute Gabriel Jaquel. Comment tu t'es trouvé impliqué en fait dans le FICAM cette année? C'est un peu un hasard. En fait, à partir du FICAM donc de cette année, le 9e, ils ont décidé de faire un partenariat avec Foodanim, que j'ai pas besoin de présenter, je pense. Ouais, j'en parle souvent. Donc voilà, c'est bon. Et en fait, il s'est avéré qu'ils cherchaient un membre de Foodanim qui est aussi réalisateur, pour faire un atelier d'animation et de réalisation avec, avec le FICAM dans le cadre du dans le cadre d'une formation en fait pour des jeunes Marocains. Okay. Et comme en fait finalement mon planning m'a permis en fait d'avoir du temps de disponible à ce moment-là, ben, du coup quand j'ai vu que certaines personnes qui sont peut-être plus actifs sur le forum n'étaient pas disponibles, ben, moi du coup j'en ai profité, j'ai dit ben oui moi ça m'intéresse, ça me permettait de changer un peu d'air, etc. Quoi. Tu... Et en... Oui. Ouais non je voulais juste tu vas-y. Et non mais je sais plus donc. Non je voulais juste grave. Je voulais juste avoir tu savais à quoi t'attendre, tu connaissais un peu le festival avant ou assez pas peu. Beaucoup en fait. Ce qui s'est passé c'est que Beyoud ça fait plusieurs années que je le croise, que ce soit Annecy ou Imagicien, etc. Donc c'est une personne que j'avais côtoyé plusieurs fois, qui parlait souvent de son festival justement au Maroc. Et donc du coup c'est une personne avec qui j'avais déjà sympathisé. D'accord. Donc c'est ça aussi qui m'a dit ben pourquoi pas, et en plus toi justement tu m'en avais parlé de ce festival, ça faisait plusieurs années qu'il y allait. Ouais. Et à chaque fois tu m'en disais beaucoup de bien et tout, et je dis bon bah voilà ça changera d'Annecy, puis ça fait du bien de... puis c'était vraiment dans l'optique. Quand Beyoun m'a présenté ça aussi, c'est que c'est un atelier que je fais bénévolement en fait. C'est-à-dire que au Maroc, il n'y a pas d'école d'animation 2D traditionnelle. Il y a des écoles liées à la 3D pour de la pub, etc. Mais il n'y a pas d'animation 2D. Ouais. Et donc du coup, c'était plus un échange que je pouvais leur proposer. C'est-à-dire que, enfin, ce qu'ils m'ont proposé plutôt, c'est-à-dire que en gros, je venais gratuitement au mois de février pour faire cet atelier, ouais. Même s'il m'invitait, c'est-à-dire qu'il me payait l'avion, l'hôtel, voilà, etc. Il n'y avait pas d'effraiement. J'avais pas de frais. Ouais. Voilà, j'avais pas de frais. Enfin, non, c'est normal. Mm-hmm. Et mais en contrepartie, surtout, j'étais invité après au festival pour à la fois présenter le film et à la fois aussi profiter du coup du festival. Donc c'était une sorte d'échange comme ça, une sorte d'échange. Et puis moi, ça m'intéressait. Et quand on m'a dit, bah non, il n'y a pas d'école au Maroc, etc. Finalement, c'est le genre de choses qui m'intéressait aussi. Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es arrivé, quand t'as fait la rencontre des étudiants le premier jour? Est-ce qu'il y a quelque chose le qui t'a... Le premier jour. Ouais. Quel était leur... Est-ce qu'il y avait... Tu sentais de l'envie? Est-ce qu'il y avait... Il y avait beaucoup de choses manquantes par rapport à ce que tu connais, tes profs à Superfocom, à l'ESAT, à Roubaix. Que ça s'est passé comment? Bah en fait, il y a deux choses. Je pense que la première chose, c'était vraiment mon contact humain. En fait, le premier soir, quand je suis arrivé, j'ai mangé directement avec eux. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Bon, c'est un premier contact, hein, donc c'était vraiment... y avait un peu de timidité pour certains, etc. Mais on sentait déjà qu'ils étaient intéressés. Et du coup, moi, au début, je me demandais... je pensais même que c'était des étudiants, surtout de Meknès, mais en fait, c'était des étudiants de tout le Maroc. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu... qui m'a aussi surpris. Ouais. Et puis, c'était super chaleureux directement. J'étais très très bien accueilli directement, donc ça me motivait déjà. Après, bon, quand la première journée réelle de travail a commencé, là, petit à petit, j'ai vu en plus qu'il y avait énormément de motivation de leur part, avec très peu de moyens, parce que c'est aussi une des choses que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait rien comme moyen, en fait. J'avais rien, là. J'avais pas... un ordinateur qui tenait la route, donc j'ai fait ça avec le portable que j'avais amené. J'avais pas d'appareil photo qui tenait la route, donc j'ai fait ça avec le mien aussi. Enfin, c'était un peu ça. Et c'était un peu de la bidouille avec le matériel que j'avais sur place, quoi. Mais en même temps, c'était l'idée. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire un film, un court-métrage avec de la full animation 2D traditionnelle, etc. C'était plutôt de se dire, bon, bah, on peut faire de l'animation, on peut dire des choses sans forcément avoir d'énormes moyens, quoi. À partir du moment où on a une idée forte et puis un peu d'imagination, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Ça change des étudiants français qui ont, je dis français, mais européens en général, français parce que tu les connais mieux qu'en tout et qui... C'est sûr, ouais, ils ont tout et puis ils se plaignent. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà eu des problèmes avec des étudiants qui se plaignait parce qu'il me disait qu'à l'école il y avait des tablettes graphiques A5 alors que lui il travaillait que sur des tablettes graphiques A4, du coup il pouvait pas travailler pendant mon cours. Enfin, des aberrations comme ça j'en ai eu, quoi. Alors que là c'est des personnes qui étaient tout de suite intéressées, En fait, l'atelier s'est décomposé vraiment en trois parties. C'est-à-dire que la première partie, je leur ai montré des films pendant toute une journée, en discutant autour de ces films, par rapport aux intentions des réalisateurs, quand je les connaissais, par rapport au budget ou par rapport aussi à la faisabilité des choses, par rapport à ce qu'on pouvait faire nous. Et donc ça a été très instructif, je pense, pour eux. Parce que finalement, bon, ils ont la possibilité de voir du court-métrage, mais surtout par Internet, donc ça c'est déjà pas mal. Que maintenant, ils peuvent en voir au moins, et aussi énormément grâce au festival. Et donc ils ont une connaissance, mais finalement, les vieux courts-métrages, on va dire, les McLaren, etc., ils les connaissaient pas. Et donc j'ai vraiment commencé par là. Et c'est grâce à ça que ça a pu déboucher sur une histoire, ou en tout cas un scénario qui était faisable avec des techniques d'animation. D'animation directe, en fait. Donc l'idée du scénar qui est super intéressante, tu peux nous en parler? Ouais. En fait, ce que j'ai déjà dit comment ça s'est passé, c'est vraiment c'est eux qui ont eu. C'est pas un scénario de moi, c'est pas un scénario de eux tout seuls. C'est vraiment une sorte de comment dire de brainstorming quoi, en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment une. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que la première journée, on a regardé des films. J'ai dit le lendemain, venez avec des idées, avec limite un pré-découpage ou des choses comme ça, et on en a discuté pendant une journée. Et on est arrivé, donc, petit à petit, ils voulaient mettre en scène un conflit, ils voulaient mettre en scène aussi de la typographie, enfin de la calligraphie plutôt, ils voulaient mettre en scène du sucre avec de la pluie, etc. Donc, mais au début, ils partaient vraiment dans des scénarios trop complexes, donc c'est là que j'ai été utile, c'est-à-dire que j'ai dit, bah ça, on n'arrivera jamais. Et petit à petit, en faisant le pont comme ça, j'ai dit, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça répond à vos intentions? Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Et du coup, au final, on est arrivé vers une idée qui était en fait de faire la rencontre entre deux cultures par la calligraphie et la typographie. Donc la calligraphie arabe et la typographie occidentale. Comme leur sens d'écriture et de lecture n'est pas dans le même sens, on est parti sur l'idée de un mot écrit en arabe et en français qui, en s'écrivant, se rencontre forcément et crée quelque chose. Soit quelque chose qui représente le mot, soit quelque chose qui part en tout cas sur l'idée du mot. Et on arrive comme ça petit à petit avec une évolution par petits tableaux comme ça, à arriver jusqu'à l'arrivée de l'homme et la création de la médina, et c'est là qu'intervient le sucre, par exemple. Ouais, parce que l'idée, c'est que donc à travers ces conflits, et puis des fois pas conflits entre les mots, c'est-à-dire qu'il y a, puisque va naître en fait de la rencontre de ces mots quelque chose d'autre, on va dire, ça va faire naître aussi, donc il y a les deux, hein, il y a ce qui est un peu la vie, les conflits, à la fois la naissance, la rencontre, on va dire, comme ce qui s'est passé avec toi et les étudiants, et en plus il y a une rencontre à travers différentes techniques d'animation. Ça c'était quelque chose qui a été une évidence. C'est compliqué, c'est complexe de... En fait, c'est devenu logique à partir du moment où, comme il y avait des idées d'un peu tout le monde, il y avait certaines personnes qui avaient envie de faire cette technique-là, par exemple, et d'autres qui avaient envie de faire une autre technique. Donc du coup, plutôt que de faire un scénario, parce qu'au début c'était scénarisé vraiment, mais plutôt que de faire un scénario, on a fait des tableaux qui permettaient à la fois de changer de technique et en même temps de se dire, si on n'arrive pas au bout... du dernier tableau qu'on avait envie de faire, ce sera quand même quelque chose de cohérent, parce que ça fonctionne par tableau, donc on pourra couper avant le dernier tableau qui était, par exemple, Médina, on pourrait s'arrêter au mot homme, qui est l'avant-dernier mot, et puis voilà. En fait, c'est aussi ça, donc au préalable, on s'est dit, ça peut être une technique à animer, tel mot, comment on pourrait l'animer, ça on va le faire à la craie, directement sur un tableau, pour le soleil qui grandit, etc. Pour la lune, pour la nuit, donc il y a une lune animée, là c'est une petite pâte à modeler, enfin une petite lune en pâte à modeler, il y a du papier découpé, il y a même des personnes qui ont fait de la pixelation, etc. Donc il y a eu vraiment un peu... toutes les techniques, mais qui étaient liées un peu aux enchaînements faisables. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de petit storyboard, on s'est dit, on a sélectionné, on avait une trentaine de mots avant, hein. On avait une trentaine de mots, puis on a dit, tant qu'à faire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver quelque chose de logique entre ces mots, pour pouvoir les enchaîner. Plutôt que de faire un tableau fondu au noir, un autre tableau fondu au noir. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de d'évolution et de création qui découle soit d'une rencontre, soit d'un conflit. Combien de temps l'atelier ? Combien de temps il a duré ? En total, je suis parti 10 jours. Ouais. Dans ces 10 jours, il y a un jour donc de visionnage de film, un jour d'écriture, de storyboard, ouais, etc. Tout ça. Et après, on a fait 7 jours de tournage. Enfin, 6 jours à peu près, 6 jours et demi de tournage, quoi. Tout ce qui a été post-production, enfin en tout cas, montage, c'est toi qui l'as fait ça après ou voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour motiver un peu l'équipe, ce que je faisais, c'est que les animations, toutes les animations ont été faites sur place. Ouais. Au matin, par exemple, le lundi, hop, toute la journée, on travaillait comme ça de 9h jusqu'à 6h. Avec très peu de temps, enfin c'était vraiment un gros travail, chargé, quoi. Ouais. Très chargé. Et à 6h, en fait, moi je rentrais à l'hôtel et je compositais, ou en tout cas, je nettoyais les images pour qu'elles soient visibles et je leur présentais au matin. Wow. Donc, tout le travail de la journée, le lendemain matin, ils le voyaient. Et puis, en même temps, j'analysais. C'est-à-dire que le premier jour, il y a eu énormément de problèmes, justement, techniques. Au niveau du matériel, donc on s'est adapté par rapport au matériel, et le deuxième jour on a pu faire mieux travailler. On a tellement bien travaillé qu'on a fait 2 ou 3 tableaux en une journée même. D'accord. Et ouais, du coup j'ai dit, bon bah là on va peut-être un peu trop vite. Et du coup j'ai dit, bon bah là regardez, tel et tel plan, si on avait mieux pensé les cours d'animation, parce que ça devait leur servir de cours aussi. Mmh. Donc en gros, je décortiquais leurs animations en disant, au matin, je dis, bah tu vois là ton animation, si tu avais fait une courbe, etc., ce serait mieux. Donc je vais vous faire un cours un peu sur la courbe d'animation. Ce qui fait que je démarrais par leur projection de ce qu'ils avaient fait la veille, je leur faisais une critique, après on faisait un cours, et après on revenait un tournage. Le soir, je compositais, hop, et je revenais le matin, etc. Qu'est-ce qui t'a le... Ouais. Bah, c'était vraiment très... c'était un gros travail. Oui, c'était un gros travail, mais ça leur permettait, eux, de justement apprécier leur travail, ouais, et comme tu dis, se motiver en se disant, bah, ça avance plutôt que... Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cet atelier ? Si tu devais faire... Si tu devais, c'est toujours un peu bête comme question, mais garder vraiment quelque chose qui t'a marqué dans l'atelier, c'est quoi ? L'envie des personnes. Ouais. La motivation, vraiment, c'est vraiment ça. Ça m'a vraiment même remotivé pour le travail quand je suis rentré, quoi. Parce que j'étais tellement ton travail motivé, à toi, ouais. Ouais, voilà, ça m'a remotivé. Leur envie de faire de l'animation, leur envie de travailler avec moi, de travailler avec d'autres personnes, et les énormes efforts qu'ils ont pu faire en travaillant eux aussi le soir, parce que des fois, eux aussi, le soir, ils travaillaient sur des choses, ils préparaient des choses pour les montrer. Donc c'est vraiment ça, c'est l'envie, l'envie et cet accueil que j'ai pu avoir. Mais s'il y a un seul mot, ce serait l'envie et leur motivation, quoi. Et comment s'est passé le festival avec eux ? Parce que quand tu es retourné, tu étais souvent avec eux, comment s'est passé ? Vous avez parlé des films, C'était des retrouvailles, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'était très dur, hein, quand je suis parti à la fin de l'atelier. Parce que, ouais, finalement, je me suis retrouvé tout seul la dernière journée, justement, des 10 jours. Et, c'était très dur. Finalement, je devais normalement profiter de la ville tout seul. Et en fait, je n'en ai pas du tout profité. Je suis resté tout seul comme ça. Et du coup, le festival, ça m'a fait énormément plaisir de les revoir. Et aussi, ils m'ont attendu et tout. En gros, on a fait le festival ensemble, quoi. Ouais. J'étais plus avec eux que qu'avec les professionnels qui étaient là. On sentait chez eux une envie de découverte et est-ce que tu sentais que est-ce que t'as senti qu'il y en avait qui allaient vraiment persévérer parce que la plupart viennent d'écoles d'art, donc ils faisaient pas forcément l'animation. Est-ce que tu sentais, une nous disait qu'il y avait grâce au FICAM déjà pas mal de créateurs marocains qui commençaient à percer. Est-ce que tu as senti dans tes étudiants certains qui allaient continuer dans cette voie-là ? Oui, je pense. Il y en a qui pourront pas faire autrement que de faire ça, en tout cas. Carrément, pas faire autrement. Ouais, non, ils pourront pas faire autrement. Je pense qu'il y en a vraiment qui... s'ils font autre chose, ils seront malheureux, quoi. Mais je pense vraiment qu'ils y arriveront. Ils y arriveront peut-être pas à faire... c'est toujours pareil, on a toujours des ambitions assez démesurées quand on est plus jeune, etc. Peut-être, mais tant mieux aussi pour eux. Mais je pense que déjà travailler dans des boîtes de pub, etc., qui leur permettraient d'avoir justement toutes les connaissances techniques, qui après leur permettraient de faire des projets personnels, de courts métrages ou choses comme ça. Moi, je pense vraiment qu'il y en aura qui vont y arriver. Et la preuve est qu'il y en a qui y arrivent déjà. Ouais. Il y en a qui y arrivent déjà, donc voilà quoi. On a parlé avec. Donc toi, tu vois l'avenir du cinéma d'animation marocain plutôt sous un bon jour, en tout cas. On risque d'avoir des belles choses dans les prochaines années qui viennent. Oui, je pense vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là, les projets qu'on a pu voir, les projets qui ont été aidés, par exemple, par les projets Aïcha et tout, donc ça manque de suivi, je pense, d'un professionnel qui suit le projet pour vraiment... pour qu'ils maîtrisent un peu plus que ce soit la technique d'écriture et technique d'animation. Ça, c'est quelque chose qui manque peut-être pour vraiment, mais c'est des très jeunes créateurs là. Ouais. Donc c'est particulier, mais par contre, moi, j'ai déjà rencontré des personnes justement qui sont passées par les ateliers d'animation, qui ensuite ont travaillé dans des boîtes de pub et qui ensuite ont envie de monter leur boîte et ils en sont largement capables. Je suis à Yves, par exemple, donc un ami qui fait un atelier en même temps que moi, mais pour des plus petits. Ce qu'il fait, c'est extrêmement bien. Ouais. Enfin, c'est vraiment c'est professionnel, très professionnel, créatif et puis imaginatif. Et je pense que c'est le genre de personne qui peut, dans un avenir très proche, faire des choses et du coup peut-être recruter aussi des personnes qu'il a pu côtoyer au FICAN, etc. Donc c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Dès qu'il y aura un tout petit coup de main en plus, c'est-à-dire d'avoir une école, ou au moins une formation, etc., ou au moins des aides pour le court-métrage d'animation, comme ils peuvent aider le court-métrage live, rien que ça, je suis sûr que là, on pourra avoir vraiment de belles choses qui viendront du Maroc. Quoi. C'est vraiment une culture qui est très riche, donc il y a de quoi faire, je pense. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, vous écoutez toujours Bulle de Rêve sur Radio Libertaire, l'émission aujourd'hui exceptionnellement enregistrée. On écoutait à l'instant l'interview de Gabriel Jaquel, réalisateur de Recto Verso. Pour l'instant, un court-métrage avec trois petits épisodes, on va dire, et qui devrait, on l'espère en tout cas, très rapidement devenir une série. Il nous parlait de son expérience au FICAM en tant que... aide, on va dire, d'étudiant. En tant que réalisateur, il a beaucoup travaillé, mais c'est vrai que les étudiants sont l'énergie principale, on va dire, de ce film qui s'appelle Écriture, qui est vraiment un trop joli film qui a été réalisé donc, par Gabriel Jaquel avec tous les étudiants qui ont participé à cet atelier. Vous pouvez voir ce film sur Foudanime, foudanime.org, je le répète plus tranquillement, foudanime.org. Sur Foudanime, vous avez un onglet qui s'appelle un onglet festival, et là vous cliquez, vous allez voir, il y a plusieurs festivals, vous pouvez même regarder d'autres choses, et le lot des autres festivals dont il parle, et notamment donc Meknès 2009, où Cédric Villain, qui était l'envoyé spécial de Foudanime là-bas, a fait fait plusieurs très très belles, très beaux articles sur Meknès, où vous pouvez voir un petit peu tout ce dont on a parlé avec nombreuses photos et écritures, notamment en vidéo. Voilà ce qui clôture aujourd'hui donc c'est ce petit tour que je voulais faire sur le FICAM et sur FICAM 2009. On va continuer avec les petits plaisirs musicaux qui sont un peu trop longs pour passer d'habitude en direct quand je fais l'émission en direct, et là on va passer l'un de mes chouchous qu'on écoute souvent et qui est Claude Nougaro, et l'une des chansons les plus longues de Claude Nougaro, c'est Plume d'ange, et c'est un tel bonheur de l'écouter à chaque fois que je me suis dit il fallait que je la passe un jour, j'ai jamais réussi, et ben voilà, c'est chose faite, on va écouter Plume d'ange par Claude Nougaro. À tout à l'heure. Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Oh, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je ? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles.

J'adore. Donc, c'est toujours Bulle de Rêve, ma radio libertaire, même si là, j'ai pris quelques libertés, on va dire, musicales, puisque j'ai la possibilité de faire cette émission enregistrée avec peu de monde interviewé, des très belles choses, mais voilà, donc un peu plus de plaisirs musicaux. On va finir, j'ai commencé par Ennio Morricone, on est dans une émission de cinéma, animation, c'est du cinéma, évidemment. On se quitte avec un autre grand monsieur de la bande originale qui a travaillé beaucoup avec Hayao Miyazaki et qui là, on va écouter, travaille aussi avec un autre grand cinéaste japonais qui s'appelle Takeshi Kitano, vous connaissez, pour son film Hanabi. Donc Joe Hisaishi, on va écouter un morceau et puis on se retrouve très prochainement en direct cette fois-ci pour un nouveau Bulle de Rêve. Voilà, à très bientôt, bye bye.